C'est une histoire ancienne et qui semble pourtant étrangement actuelle tant elle offre de ressemblances avec l'actualité de ces dernières années. Et même l'actualité la plus brûlante comme celle de la guerre en Irak. Mais je ne veux pas déflorer le propos de Monsieur X. Monsieur X qui, la semaine passée, nous a longuement parlé de la guerre secrète que les États-Unis ont menée au Laos. Une guerre illégale, en somme, sur fond de trafic de drogue. Sur le plan humain, le prix à payer a été très lourd. Plus de 300 000 morts. Le petit Laos a été bombardé plus que ne l'a été l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les ethnies montagnardes, enrôlées par les Américains, ont été soit massacré, soit obligé de fuir. Mais n'y revenons pas. Cette semaine, M. X a choisi d'évoquer un autre conflit tout aussi clandestin. Un conflit qui s'est déroulé dans la même région, aux portes même du Laos, au Cambodge. Le Cambodge, victime collatérale de la guerre du Vietnam, et qui finira par être submergé par la vague meurtrière des Khmers Rouges, au cours de laquelle 1 million, ou peut-être même 2 millions, de Cambodgiens périront. Mais, et c'est ce que semble penser M. X, les Khmers Rouges ne sont-ils pas, d'une façon indirecte, des créatures des Américains? Et d'ailleurs, Ben Laden lui-même n'a-t-il pas d'abord été l'un des meilleurs alliés de la CIA, comme s'il était inévitable que les guerres, toutes les guerres, produisent des monstres? Au nord, c'est-à-dire au Laos, les Américains menaient cette guerre secrète dont je vous ai parlé. À l'est, au Vietnam, ils soutenaient à bout de bras un régime corrompu et tout au long des années 60 ne cesseront d'engager plus de soldats contre les maquis communistes Viet Cong et les troupes régulières de Hanoï. Dans ces conditions, il était presque inévitable que le Cambodge soit un jour ou l'autre touché directement par le conflit. Le Cambodge qui a été très longtemps un pays neutre. Hein. C'est exact. Son leader, le prince Sihanouk, a lutté de toutes ses forces pour maintenir cette neutralité. Et ça explique en partie son parcours politique sinueux, c'est le moins qu'on puisse dire. Toutefois, Sihanouk, quels que soient les reproches qu'on puisse lui adresser, voulait que son pays continue à connaître la paix. Mais c'était quasiment une mission impossible. Surtout à partir du moment où Richard Nixon et son cher Kissinger sont arrivés à la Maison Blanche. Ah, c'est ironique, hein. Alors par où commence-t-on? Ben, je vais pas remonter trop loin. Le Cambodge, comme vous le savez, était un protectorat français. Mmh. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est occupé par les Japonais, mais l'administration française reste en place. Ouais, l'administration de Vichy. Oui, c'est d'ailleurs le représentant de Vichy qui choisit le jeune Norodom Sihanouk et l'invite à monter sur le trône à la mort du roi. Mais Sihanouk qui appartient à la famille royale. Hein. Son grand-père maternel a été roi. Sihanouk a alors à peine 20 ans. C'est un nationaliste qui très tôt manifeste son intention de se débarrasser de la tutelle des Français. Mais allons vite. Mm-hmm. En 53, Sihanouk proclame unilatéralement l'indépendance de son pays. Indépendance qui sera reconnue par les accords de Genève en 54. C'est-à-dire à la fin de l'engagement français en Indochine. C'est ça. Très tôt, Sihanouk affirme sa volonté de laisser son pays à l'écart des deux blocs. Et à Washington, ça ne plaît pas du tout. Forcément. Washington qui, à son tour, va s'engager au Vietnam. Afin d'empêcher les Nord-Vietnamiens de s'emparer du Sud. Ouais, alors, la fameuse théorie des dominos dont on a parlé... La semaine dernière, oui. Ouais. Inutile d'y revenir. Donc, malgré les pressions américaines, Sihanouk veut rester neutre et refuse d'intégrer l'OTAS, c'est-à-dire l'OTAN du Sud-Est asiatique. Pour les Américains, il est clair que la neutralité ne vaut pas mieux que le communisme. Vous parlez de pression, hein, sous quelle forme? Les États-Unis ont alors encouragé des mouvements de guérilla à la frontière thaïlandaise. Ils ont aussi soutenu le mouvement des Khmers libres, un mouvement oppositionnel qui avait trouvé refuge au Sud-Vietnam. Mais curieusement, jusqu'au milieu des années 60, Sihanouk accepte en même temps l'aide américaine. Ah bon? Et une aide sous quelle forme? Militaire et économique. Ça veut dire que le neutralisme de Sihanouk était un faux semblant. Non, je ne crois pas, non. Mais sa situation était difficile. Le pays était pauvre, très pauvre. En outre, il devait faire face à la présence de plusieurs groupes armés qui entretenaient en permanence des troubles. Des groupes de quelle obédience? Essentiellement des communistes. Le noyau de ce qui deviendra plus tard les Khmers Rouges. Il faut noter que c'est Sihanouk qui les appellera ainsi. Ah bon? Oui. Par conséquent, Sihanouk a besoin des Américains, même s'il redoute leur influence dans l'armée ou les élites du pays. Justement, alors, on peut peut-être faire le point sur la société cambodgienne à l'époque, non? Vous avez raison. Le Cambodge est encore un pays féodal. Les paysans qui représentent la grande majorité des habitants vivent encore sous l'autorité de seigneurs locaux ou de fonctionnaires venus de Phnom Penh. En fait, on pourrait dire qu'il y a deux Cambodges. Celui des villes et celui des campagnes. Et ce qui est très intéressant, c'est que Sihanouk est plutôt le prince des campagnes que celui des villes. Pourtant, lui-même est loin d'être un rural, non? Bien sûr. C'est un lettré, un touche-à-tout qui s'occupe de cinéma, de musique, publie une revue. C'est un personnage très curieux, fantasque et déroutant. Pas antipathique, bien au contraire. Alors, qu'est-ce qui lui vaut d'être le prince des campagnes? Parce que c'est le souverain, une sorte de demi-dieu, même s'il a abdiqué. Ah bon, il est plus roi? Non. Au terme des accords de Genève, le Cambodge devait organiser des élections démocratiques. Alors, Sihanouk a abdiqué, remis sa couronne à son père et il s'est lancé dans la politique en créant un parti, la Communauté Socialiste Populaire. Socialiste? Oui. Ce prince, c'est aussi un idéaliste qui veut réformer son pays et mettre fin aux privilèges des puissants. C'est assez paradoxal, parce que Sihanouk est le premier de ces puissants. C'est vrai, mais Sihanouk va effectivement introduire un certain nombre de réformes d'inspiration socialiste, même si souvent ce sera de la poudre aux yeux. Il se lance dans le combat politique et il est élu? Oui, triomphalement. Les siens remportent les premières élections. Et des élections justes, enfin. Oui, absolument, il en sera de même jusqu'en 1970. Sihanouk, qui se place au-dessus des partis, demeure extrêmement populaire dans les couches sociales les plus pauvres. Ouais, mais il reste le prince. C'est certain. Et on lui sait gré de vouloir la paix, avant tout, quitte à louvoyer en permanence entre les différents camps. Non sans une certaine habileté, il faut le reconnaître. Des exemples, alors? Ils sont nombreux. En 1965, c'est-à-dire au moment où les États-Unis vont accroître leur engagement au Vietnam, le Cambodge rompt ses relations diplomatiques avec Washington. Et les missions militaires et diplomatiques américaines doivent quitter le pays. En même temps, Sihanouk se rapproche du Nord-Vietnam avec lequel il a toujours entretenu des relations ambiguës. Pour quelle raison? Il y a un long contentieux entre les deux pays. Les Cambodgiens considèrent le Vietnam comme l'ennemi héréditaire, celui qui rêve d'annexion. Mais en même temps, ils ont été unis dans la lutte contre le colonialisme français. Alors, comment se traduit ce rapprochement-là? Sihanouk autorise le Nord-Vietnam à faire transiter armes et ravitaillements destinés au Viet Cong par son territoire. La fameuse piste Ho Chi Minh, oui, cette piste, on va parler. Oui, ou plutôt ces réseaux de pistes qui passent par le Laos au nord et au sud par le Cambodge. C'est-à-dire à proximité de la longue frontière avec le Sud-Vietnam. C'est ça, oui. Mais il faut dire qu'à l'époque, cette frontière est encore mal dessinée et est plutôt poreuse. Puis il y a le terrain. La jungle? Oui. Donc Sihanouk, alors, après avoir chassé les Américains, se rapproche des communistes, hein, c'est ça? Incontestablement. Et il noue des relations très étroites avec la Chine et l'URSS. Chine et URSS qui sont pourtant déjà des adversaires avérés. Oui, mais Sihanouk est très habile et louvoie entre ces deux grandes puissances. Toutefois, malgré le virage qu'il vient d'opérer en prenant prétexte d'une révolte paysanne, il autorise une sévère répression dans les milieux communistes et il accuse la Chine de soutenir ses rebelles. Le résultat, c'est que les militants communistes qui n'ont pas été pris ou assassinés disparaissent dans la forêt. Et ils rejoignent les Khmers rouges qui sont toujours cachés. Exactement. Et le balancier va poursuivre sa course dans le même sens. Peu après, Sihanouk met en cause le Viet Cong, qui a installé des bases en territoire cambodgien près de la frontière avec le Sud-Vietnam. Alors même que Sihanouk a autorisé les Nord-Vietnamiens à entrer au Cambodge pour ravitailler ce même Viet Cong. Oui, c'est étrange, non? Mais ouais. Déjà, Sihanouk, qui se sent de plus en plus menacé, a l'intention de se rabibocher avec les États-Unis. Menacé? C'est évident que la guerre du Vietnam va tôt ou tard mettre à mal la neutralité cambodgienne. Alors, Sihanouk gesticule. Mais vous êtes sévère. Non, c'est la vérité, une vérité d'autant plus cruelle que le petit Cambodge n'a guère la possibilité d'agir. C'est-à-dire? La petite armée cambodgienne, mal équipée et peu motivée, est incapable d'affronter les bataillons nord-vietnamiens installés sur son territoire. Et elle n'a pas non plus la possibilité de repousser les commandos que les Américains introduisent clandestinement au Cambodge pour traquer les maquis Viet Cong. Sihanouk est donc coincé. Et il est clair qu'il ne pourra pas continuer très longtemps comme ça. Quelqu'un va forcément siffler la fin de la partie. Et l'élection de Nixon à la Maison-Blanche va précipiter les choses. Curieux personnage que ce prince Sihanouk. Voici le portrait qu'en trace William Shawcross dans son ouvrage « Une guerre sans importance » paru en 1979 chez Ballon. Roi, chef d'État, prince, premier ministre, chef du principal mouvement politique, chef d'un orchestre de jazz, éditeur de revues, directeur de films et possesseur d'une licence d'exploitation d'un tripot, il s'efforça d'unir sous sa houlette des concepts aussi dissemblables que le bouddhisme, le socialisme et la démocratie. Il exerça le pouvoir d'une façon tellement ahurissante et originale qu'il en vint à personnifier son pays et sa politique, aussi bien à l'étranger que chez lui. Il était orgueilleux, possédait le don de la mise en scène et adorait se vanter de ses prouesses sexuelles. Il ne supportait ni critique ni opinion contraire aux siennes et traitait ses conseillers comme des larbins. Il pouvait se montrer généreux envers ceux qui le servaient bien, mais chacun redoutait son tempérament coléreux. Il avait une voix aiguë un langage très caractéristique et ses commentaires étaient souvent ambigus. Il possédait en même temps une très grande habileté politique, du charme, de la ténacité et de l'intelligence. Après un départ un peu incertain, il exploita toutes ses qualités dans l'intérêt d'une cause qui primait tout, la sauvegarde de la paix au Cambodge et de son indépendance face à toute tentative d'annexion nouvelle de la part de ses voisins. Mais avant de voir quelle va être la politique de Richard Nixon au Cambodge, je voudrais faire une parenthèse, si vous le permettez. Bien sûr. C'est une histoire assez peu connue, mais qui a joué un grand rôle dans le succès du candidat républicain à l'élection présidentielle de 1968. 1968 est alors une année clé dans l'histoire de la guerre du Vietnam. Pourquoi ? Il y a alors plus de 500 000 soldats américains là-bas, c'est énorme. Et le président démocrate, Lyndon Johnson, se rend compte qu'il faut à tout prix chercher une solution et s'acheminer vers la paix. Et je crois me souvenir qu'à l'époque, il va annoncer un possible arrêt des bombardements sur le Nord-Vietnam. C'est exact. Et dans ces conditions, Hanoï accepte de commencer à discuter. Ouais, ça, je me souviens, c'est à Paris. Et au moment où la capitale française est secouée par les événements de mai 68, mais enfin, ça, c'est anecdotique. Ces discussions vont être secrètes. Naturellement. Elles se poursuivent jusqu'à l'automne. L'automne où doit se dérouler l'élection présidentielle américaine. C'est pourquoi la Maison-Blanche est pressée d'aboutir. Parce que la signature d'un accord de paix permettrait au candidat démocrate Hubert Humphrey de pouvoir l'emporter face à Richard Nixon. L'opinion américaine est en effet lasse. Il y a des dizaines de GIs qui tombent toutes les semaines et les mouvements de protestation contre la guerre sont de plus en plus nombreux. Et l'enjeu est donc capital. Oui. Fin octobre, à quelques jours de l'élection, un accord est pratiquement trouvé entre Américains et Nord-Vietnamiens. Concrètement, il s'agit d'opérer simultanément un retrait des troupes américaines et nord-vietnamiennes qui se trouvent au sud du Vietnam. Toutefois, il demeure une grosse difficulté. Thieu, le leader sud-vietnamien, refuse de siéger aux côtés des Nord-Vietnamiens. C'est le blocage. Alors même que Hanoï se déclare prêt à continuer les discussions. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Un sabotage. Un sabotage, vous n'exagérez pas un peu ? Ah, pas du tout. Et vous allez comprendre. Nixon et son équipe ont réussi à contacter indirectement le dictateur sud-vietnamien, le général Thieu. Et ils lui ont fait savoir que si un président démocrate était élu, il aurait tout à craindre. Bref, il serait sacrifié sur l'autel de la paix. Il devait donc tout faire pour que les négociations de Paris échouent. Comment alors ? En refusant d'y prendre part ? Exactement. Et dans cette affaire, un homme a joué un grand rôle. Henry Kissinger. Ah, votre ami Kissinger. Comment est-il intervenu ? Kissinger, bien qu'il appartienne en principe au camp républicain, avait de très bonnes relations avec les négociateurs américains de Paris. Il avait leur confiance. Il était même le seul homme à ne pas faire partie du gouvernement qui était autorisé à connaître le secret des négociations. Et pourquoi ça ? Parce que le républicain, autant que démocrate, accordait beaucoup de crédit à ses avis et conseils. Et au mois d'octobre, Kissinger a obtenu une information capitale. Johnson, pour faire avancer les négociations, était décidé à arrêter les bombardements sur le Nord-Vietnam. Il a aussitôt communiqué ce secret d'État à Richard Nixon. Mais pourquoi ? Parce qu'il avait misé sur Nixon. La victoire de Nixon, vous voulez. Le futur président s'est servi de l'information. Il a alerté le général Thieu, qui a été conforté dans son idée qu'il fallait absolument éviter l'élection d'un président démocrate, car l'arrêt des bombardements, ça signifiait à terme le désengagement des États-Unis. Les négociations de Paris, donc, sans la présence de Thieu, ont donc échoué. Et les Américains ont élu Nixon, qui, dans les derniers jours de la campagne, a affirmé qu'il proposerait, lui, un véritable plan de paix. Alors que les démocrates avaient échoué. C'est du parfait machiavélisme. Oui, mais Dick le tricheur, comme on l'appelait, était un spécialiste des coups tordus. Ça me rappelle l'affaire des otages de l'ambassade américaine de Téhéran. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est un autre candidat républicain, Ronald Reagan, qui, via son directeur de campagne, a négocié avec les Iraniens pour que les otages soient libérés après l'élection présidentielle de 1980. Oui, de façon à faire perdre Jimmy Carter. Oui, c'était grave et malhonnête. Mais dans le cas de Nixon, ça l'est encore plus. Car en sabotant les négociations de paix de 1968, il est responsable de la prolongation de la guerre du Vietnam et donc de la mort de milliers de combattants américains et vietnamiens. 4 longues années de guerre. Jusqu'aux accords de Paris en 1973. Des accords qui reprendront dans leur grande ligne les propositions déjà envisagées en 1968. Ouais, donc 4 années perdues. Ouais. Mais ça permettra à Kissinger d'obtenir le prix Nobel de la paix. Lorsqu'on sait le rôle qu'il a joué dans cette affaire, on peut se poser des questions, comme on dit aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Parce que vous allez le voir, ces interventions ultérieures ne vont pas être moins critiquables, en particulier en ce qui concerne le Cambodge. Ouais, vraiment, vous ne l'aimez guère. Hein. Écoutez, mes sentiments personnels n'ont rien à voir là-dedans. Mais rappelez-vous la Kissinger-mania des années 70. On s'arrachait ce cher Henry, le secrétaire d'État le plus habile et le plus intelligent de l'histoire des États-Unis. On aurait pu ajouter le plus cynique aussi. Moi, je n'oublie pas qu'il porte aussi une lourde responsabilité dans l'arrivée au pouvoir de Pinochet. Ah ben, décidément. Bah, nous en avons déjà parlé ensemble, il me semble. Mais ce qui est le plus étonnant dans l'attitude de Kissinger, c'est qu'il avait par ailleurs, avant de rejoindre Richard Nixon, fait une analyse fort pertinente sur la guerre du Vietnam. Ah, un point positif, alors je vous écoute. Bah, d'abord, il pensait que les militaires américains conduisaient cette guerre d'une façon parfaitement stupide. Ensuite, il avait bien compris que le jeu n'était pas égal entre les soldats américains et les communistes nord-vietnamiens. Je vous explique. Kissinger affirmait que les premiers menaient une guerre militaire, tandis que les deuxièmes menaient une guerre politique. Et la différence alors ? Elle est essentielle. Les Américains, en pilonnant leurs adversaires, essayaient de venir à bout de leurs forces. Les nord-vietnamiens, au contraire, cherchaient à obtenir une usure psychologique de leurs ennemis. Ouais, ce qui va se passer avec la montée en puissance de la contestation dans la jeunesse américaine. Et la lassitude de l'opinion. Mmh. Et Kissinger, vous voyez que je l'ai lu attentivement, écrivait encore qu'une guérilla gagne du seul fait qu'elle continue à exister malgré ses pertes éventuelles. Il n'en est pas de même pour une armée classique. Si elle ne gagne pas, elle perd. Et il donnait comme exemple la fameuse offensive du Tet. Le Viet Cong avait subi de lourdes pertes, mais il était sorti politiquement vainqueur de cette confrontation. Mmh. J'ai bien compris. C'est en effet bien vu. Et si on avait écouté Kissinger à ce moment-là, il aurait fallu s'acheminer au plus tôt vers une solution politique du conflit vietnamien. Ça me paraît évident. Mais c'est pourtant le même homme qui va soutenir Nixon et, selon vous, participer au sabotage des accords de paix. Oui, seule l'ambition et la soif de pouvoir peuvent expliquer ça. Alors, si nous revenions maintenant au Cambodge après cette longue, longue parenthèse. Volontiers. Non seulement le neutralisme de Sihanouk agaçait Washington, mais il lui était reproché de donner asile aux nord-vietnamiens et aux combattants du Viet Cong qui avaient établi près de la frontière des refuges et des bases. Mais on aurait dit que Sihanouk n'avait guère les moyens de s'y opposer. C'est vrai. Son armée n'était pas de taille, je vous l'ai dit. Et le commandement américain brûlait de faire le travail à sa place. Ah oui. C'est-à-dire d'intervenir directement au Cambodge, je crois. Oui. Mais le Cambodge était un pays neutre. Une intrusion militaire américaine risquait de provoquer des protestations internationales. Et Moscou et Pékin ne manqueraient pas d'envenimer les choses. Par conséquent, les États-Unis, déjà fort critiqués, ne pouvaient pas se lancer dans cette aventure. Officiellement, en tout cas. Ah oui, mais officieusement... Bah, c'est là où je veux en venir. Car, et ça, ça va vous rappeler quelque chose, les généraux américains avaient une obsession. Ils étaient persuadés que les troupes communistes disposaient au Cambodge d'un QG. Un QG enterré. Un bunker situé à 80 mètres sous terre. Revenons un instant sur le sabotage de la paix, comme dit M. X. Clark Clifford était secrétaire de la Défense en 1968. Dans un livre publié aux États-Unis, voici ce qu'il écrit. « Les activités de l'équipe Nixon ont dépassé, et de loin, les limites d'un combat politique justifiable. Il s'agissait d'une ingérence directe dans les prérogatives de l'exécutif et dans celles de son chef, qui sont les seules instances habilitées à négocier au nom de la nation. » Les activités de l'équipe électorale de Nixon ont constitué une ingérence grossière, voire potentiellement illégale, par des particuliers dans des questions de sécurité nationale. Et dans son ouvrage intitulé « Les crimes de M. Kissinger », le journaliste Christopher Hitchens commente, je le cite, « Voilà comment Henry Kissinger s'est élevé, voilà comment il est passé du niveau d'un universitaire moyen et opportuniste au statut d'un potentat de dimension internationale. Ses qualités intrinsèques, apparentes dès le premier instant, sont celles d'un sycophante, culte du pouvoir et absence de scrupules, troc sans état d'âme d'anciens non-amis contre de nouveaux faux amis. Et les effets spécifiques de son action sont tout aussi visibles. Des cadavres innombrables, des mensonges officiels ou non, une pseudo-indignation lourde et pompeuse lorsque des questions désagréables lui sont posées. La carrière de Kissinger a commencé comme elle le devait, en débauchant la République et la démocratie américaine, en prélevant son atroce tribu de victimes sur des sociétés plus faibles et plus vulnérables. Le livre de Hitchens a été publié par les éditions Saint-Simon. Ce bunker, alors, existait-il ou était-ce un fantasme des généraux américains ? Bah, à l'évidence, c'était comme les bunkers de Saddam Hussein. Ah bon ? Une invention, car on ne l'a jamais trouvé, même après l'intervention plus tard des soldats américains au sol. Mais à Saïgon, le commandement américain y croyait dur comme fer. Et dès l'élection de Richard Nixon, il a tout fait pour persuader la Maison-Blanche de l'existence de ce QG secret. Et avec succès. Les généraux américains sont écoutés. Ils le sont d'autant plus qu'ils affirment que les communistes sont sur le point d'attaquer massivement Sud-Vietnam. Mais alors, que demandent-ils ? L'autorisation de bombarder la zone où se trouverait le bunker. Un bombardement secret, bien sûr, car en principe, les États-Unis respectent la neutralité du Cambodge et veulent éviter que ce pays ne soit entraîné dans la guerre. Ce que, pour le moment, le prince Sihanouk a réussi à éviter. Quand même. Comment peut-on effectuer des bombardements secrets ? Ah, bonne question. D'abord, la zone choisie, le commandement américain affirme qu'il s'agit d'une zone reculée, habitée par très peu de civils, mais où se trouvent de nombreuses installations nord-vietnamiennes. Il y a donc peu de chances, si le bombardement est réussi, que la chose s'ébruite. Ouais, c'est-à-dire un bombardement réussi voulait dire que les rares témoins seront écrasés sous les bombes. C'est en effet ce qu'envisagent les promoteurs de cette opération. D'autre part, toujours pour répondre à cette question du secret, très peu de militaires doivent être informés. Même les pilotes de B-52 qui décolleront de l'île de Guam ne sauront rien. C'est en vol qu'on leur donnera les coordonnées de la zone à bombarder. Et les militaires prendront ensuite soin de trafiquer les rapports de cette mission aérienne et de transformer le raid cambodgien en bombardement au-dessus du Sud-Vietnam, tout près de la frontière avec le Cambodge. Des trucages, donc. Et qui sont formellement interdits par le code militaire américain. Ah, on va donc demander à des aviateurs américains de remplir une mission illégale. C'est la vérité. Ouais. Et avec le feu vert de la Maison-Blanche. Et aussi avec le consentement du Conseil national de sécurité que dirige Henry Kissinger depuis l'élection de Nixon. Ouais. Ça, cette nomination, c'est sa récompense. Bon, on peut voir en effet les choses comme ça. À quelle date se déroule ce bombardement secret ? Très peu de temps après l'entrée de Nixon à la Maison-Blanche, en mars, je crois. La mission portait le nom de code Petit Déjeuner. Petit Déjeuner désignant ainsi la zone du bombardement. Curieux nom, ça. Oui. Enfin, vous allez le voir, il y aura d'autres. Déjeuner, casse-croûte, souper, etc. Le tout constituant l'opération menu. Quel humour, ces militaires. Mais ça veut dire qu'il y aura d'autres bombardements. Au total, il y en aura plus de 3000. Mais n'allons pas trop vite. Il y avait longtemps, ça. C'est de votre faute. Vous pouvez toujours mettre la charrue avant les bœufs. Alors, d'abord, cette première mission. Les B-52 déversent leur chargement de bombes au-dessus du Petit Déjeuner, là où en principe doit se trouver le QG nord-vietnamien. Alors ce premier bombardement est vraiment demeuré secret ? Oui, totalement. Mais le lendemain, quand on a envoyé un commando clandestin constater de visu l'efficacité du bombardement, la surprise a été douloureuse. Car les guérillos du Viet Cong, ou les soldats nord-vietnamiens, n'avaient pas tous été tués. Et les survivants ont sérieusement étrillé les membres de ce commando. Était-ce un échec alors ? Les militaires répugnent à reconnaître leurs échecs. Vous le savez bien. Ils ont même bien souvent une tendance fâcheuse à transformer leur défaite en victoire. Par conséquent, le commandement américain à Saïgon a fait connaître à la Maison-Blanche que la mission Petit Déjeuner avait été couronnée de succès. Ah oui, je vois. Et les généraux demandaient qu'on les autorise à bombarder d'autres zones, censées abriter des refuges nord-vietnamiens ou vietcong. Exactement. Car il ne leur a pas été difficile de convaincre Nixon et Kissinger que si on coupait les combattants présents au Sud-Vietnam de leur base arrière, située au Cambodge, on finirait par gagner la guerre. Ouais. Et Nixon, une fois encore, a accepté. Sans hésitation. Et notez-le bien, c'était très grave. Car selon la Constitution américaine, le président ne pouvait engager une guerre. Car il s'agissait vraiment d'une guerre contre un pays neutre, de surcroît, sans le consentement du Congrès. Et de mon point de vue, cette histoire est beaucoup plus importante que le scandale du Watergate. Vous avez dit plus de 3000 bombardements, c'est ça, et dans le plus grand secret. Un reporter, un seul, a eu vent de ces bombardements. Et il a rendu l'information publique ? Oui, mais personne ne s'est ému. Aucun représentant, aucun sénateur, aucun autre journaliste. Il faut dire que ce reporter avait présenté les choses de façon très particulière. Il avait en quelque sorte justifié les bombardements en affirmant qu'il fallait contrer les ravitaillements de plus en plus massifs des Viet Cong par les Nord-Vietnamiens. En outre, ce journaliste rendait une sorte d'hommage à Nixon en écrivant que lui au moins n'avait pas peur de se bagarrer. Ouais. Et donc cet article n'a provoqué aucune vague ? Non, aussi curieux que cela paraisse. Naturellement, à la Maison-Blanche, on n'a guère apprécié. Le FBI a été alerté et le journaliste placé sur écoute. En toute illégalité, bien sûr. Mais au fond, cette révélation servait la politique de Nixon. Ah là, il faut m'expliquer. Hein. Nixon, il s'en est confié à plusieurs de ses proches, avait mis au point une théorie, la théorie du fou. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça consistait à faire peur aux Nord-Vietnamiens et surtout à leur faire croire que le président américain, complètement obsédé par la lutte anticommuniste, était capable de n'importe quoi pour gagner la guerre du Vietnam. Par exemple, utiliser la bombe atomique. Ouais, un fou à la Maison-Blanche. C'est ça, oui. Quand même, la bombe atomique. Oui, ouais, je suis d'accord avec vous. Et pourtant, Nixon y a pensé sérieusement. C'est lui, d'ailleurs, qui, en 1954, avait déjà suggéré au président Eisenhower de lancer une bombe atomique sur le Nord-Vietnam pour venir en aide à l'armée française. Ouais. Alors, la théorie du fou n'était peut-être pas aussi fausse qu'elle apparaissait. On peut le penser. Mais je reviens à ces 3000 et plus là de bombardements. Sihanouk n'a pas pu ne pas être au courant. Et après tout, même si ces opérations avaient lieu dans des régions reculées... Et pas aussi inhabitées que les militaires américains l'avaient prétendu. Il y a eu des dizaines de milliers de civils tués. D'accord, alors a fortiori, Sihanouk a su. C'est certain. Et il n'a pas protesté. Enfin, c'est son pays qu'on bombardait. C'est effectivement un point très troublant. Nixon a toujours prétendu que Sihanouk avait donné son consentement à cette campagne de bombardement, parce qu'il voulait se débarrasser de toutes ces troupes étrangères qui stationnaient dans son pays. Et aussi parce que c'était d'abord les soldats vietnamiens qu'on massacrait. Les Vietnamiens, l'ennemi héréditaire. En outre, m'avez-vous dit, c'était à une époque où Sihanouk s'était rapproché des Américains. Oui, les deux pays avaient même rétabli leurs relations diplomatiques. Mais je suis sûr, même si Sihanouk a peut-être approuvé les premiers bombardements, qu'il n'a pas accepté les suivants. Oui, mais il n'a pas protesté. Alors je pense, c'est une explication tout à fait personnelle, que Sihanouk s'était vite rendu compte de son impuissance à empêcher ces bombardements américains. Comme il était impuissant à repousser les communistes vietnamiens installés au Cambodge, alors il a laissé faire. Oui, mais il a surtout craint qu'en protestant et donc en dénonçant ces bombardements, son pays ne soit encore plus engagé dans la guerre. Car il avait peur que les Américains n'interviennent plus avant au Cambodge. En envoyant des troupes au sol, par exemple. Et il avait raison. Car au printemps 1970, les Américains l'ont renversé purement et simplement en soutenant le putsch de son premier ministre, le général Lon Nol. Parce qu'à terme, Sihanouk aurait pu gêner. Bien entendu. Même s'il avait faim de ne pas condamner les bombardements, il lui était impossible d'accepter l'invasion de son pays. Donc on l'a débarqué. Et deux mois plus tard, des troupes américaines entraient au Cambodge. C'est ce qu'on a appelé la vietnamisation. Ouais. Alors, désormais, ce petit pays était entré de plein pied dans la guerre du Vietnam. Et il ne connaîtrait plus la paix avant de longues, très longues années. Mais l'invasion américaine, ainsi que cette campagne massive de bombardement, va avoir une conséquence inattendue et dramatique. Expliquez. Les communistes vont fuir dans le nord et l'ouest du pays pour échapper aux opérations militaires. Et là, ils vont retrouver presque naturellement les guérillas Khmer Rouge. Autre conséquence, Sihanouk, chassé du pouvoir, va constituer à Pékin un gouvernement en exil. Et lui, l'anticommuniste, va accepter la présence à ses côtés des chefs Khmer Rouge. Il devient donc le chef de la résistance. Une résistance dominée par les communistes. Tout était désormais en place pour aboutir à ce qui deviendra, en 1975, l'un des plus grands génocides du siècle. Les Khmer Rouges. Monsieur X m'a proposé de m'en parler la semaine prochaine. En attendant, je reviens au livre de Christopher Hitchens, Les crimes de Monsieur Kissinger. Le journaliste fait un bilan des bombardements secrets au Cambodge entre 69 et 1973. Ces raids étendus et intenses ont, selon les estimations officielles, entraîné la mort de 600 000 civils au Cambodge. Il ne s'agit pas des estimations les plus élevées. Quant au nombre des réfugiés, il est plusieurs fois supérieur au nombre de morts. De plus, l'utilisation généralisée de défoliants, c'est-à-dire de produits chimiques toxiques, entraîna une dégradation massive de la santé. Les enfants, les mères en période d'allaitement, les personnes âgées et les infirmes furent naturellement les premiers touchés. Aujourd'hui encore, cette dégradation continue de provoquer de graves séquelles.